Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste, avec aujourd'hui Olivier Debenoît. Bonjour. Bonjour. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? On en a beaucoup des anecdotes, mais bon, il y en a un certain nombre que je raconte dans mon spectacle, donc les gens qui ont pu voir mon spectacle les connaissent. C'est vrai qu'une fois, au point virgule, c'était plutôt drôle, j'ai joué dans une salle où quelqu'un, il ne comprenait pas que quand on s'adresse au public, en fait, on n'attend pas de réponse à chaque fois. Et donc, il répondait comme si ça s'adressait à lui. Uh-huh. Et au bout de, je ne sais pas, 4-5 minutes, je suis allé voir le type qui était dans la guérite du point virgule, c'est-à-dire qui vend les places à l'extérieur. Je lui ai dit, voilà, tant que tu ne vires pas ce mec, j'arrête, je ne joue pas. Et sauf que le type faisait 1m95 et 100 kilos. Ah ouais. Et donc, en fait, le type dans la guérite m'a demandé si je ne voulais pas insister un peu. Et donc, voilà. Mais c'est souvent dans des petites salles qu'on a des anecdotes qui sont croustillantes. Bien sûr. C'est vrai que une autre fois, c'est vrai que des galères d'humoristes, c'est vrai que quand je commençais, je donnais des... J'avais donné des places à un groupe de jeunes un peu défavorisés parce que voilà, ça s'appelle Culture du Cœur à Paris, on donne des places pour ça remplit sa salle, c'est un bon deal. D'accord. La salle est pleine et puis ça rend service à des gens qui n'ont pas les moyens de s'appeler de place. Ah, donc il y a une nana avec un groupe de jeunes qui sont dans la salle et à un moment donné un des téléphones des jeunes sonne et le type répond. Donc quand on est dans une salle de bon, déjà je trouve ça très étonnant. Et à la fin du spectacle, je vais voir la nana foudrage. Je vais dire, écoute, non seulement je vous donne des places. Et la nana, c'est dire à quel point elle était loin de tout. Elle me dit, oui, j'ai vu, mais c'était un petit coup de fil. Donc, j'avais cette idée de cette quantité. C'est-à-dire qu'à partir de moins d'une minute, on considère que ça fait partie du... De l'acceptable. Ouais, mais tout ça, c'est au point virgule. Le point virgule, comme je suis resté très longtemps au point virgule, il m'est arrivé des trucs absolument improbables. C'est vrai que... un jour, il y avait pour Zone Interdite, il suivait une nana qui était SDF et qui avait 18 ans. C'était le reportage, et donc cette fille avait le droit d'aller voir des spectacles gratuitement grâce à Culture du Cœur, dont j'ai parlé il y a deux secondes. Et donc, elle est venue dans ma salle voir mon spectacle. Donc, l'équipe de télévision de M6 est venue filmer ce que je croyais être la représentation, mais pas du tout. En fait, ce qui les intéresse, c'était de filmer les réactions de la fille pendant que je jouais. Donc, le réalisateur. Il est venu sur la scène derrière moi pendant tout le spectacle pour filmer la réaction de la fille qui était dans la scène. C'est vrai que c'est juste un problème. Donc je pensais que ça me ferait buzzer, mais en fait, c'est vrai que l'idée que cette fille aille voir le seul spectacle gratuit à Paris et qu'on ne voit jamais à l'écran, c'était juste un problème. Donc voilà les quelques anecdotes, mais bon, il y en a plein. Bon. Merci beaucoup. Hein. On peut te retrouver sur scène avec ton spectacle 040 qui, je crois que ce sont les dernières dates là. Exactement. Voilà, et tu repars bientôt en rodage avec un nouveau spectacle. Exactement. Est-ce que tu as déjà le nom du nouveau spectacle ou pas? Pas encore, non, mais on s'approche. Mais okay. C'est vrai qu'il n'y a pas d'urgence. Je préfère ne pas avoir de titre et que le spectacle soit écrit que le contraire. Ah bah c'est... Oui, il y en a peut-être qui ont commencé par le titre en effet. Et donc on te retrouve sur les réseaux sociaux, donc Olivier de Benoît, donc Benoît avec un S, IST à la fin, voilà. C'est bien ça? Sur tous les réseaux sociaux? Ok. Mais écoute, merci beaucoup. Merci pour toutes ces anecdotes. Pour ma part, vous me retrouvez sur Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, voilà, histoire de faire un peu parler du podcast. N'hésitez pas à partager. Et puis à très bientôt. Bisous à tous, même à toi là-bas.